Ok, fini les détours, esprit vandale et de retour. Y'a plus de chiffres, foutre le sbeu, en devenir sourd. Vois l'esprit se dévoiler, pas sur un clavier. Sur la route, beaucoup d'ennemis, peu d'alliés. Tu ne peux ni grave, viens prendre ce palier. Je remonte soudain, comme la crise du mobilier. Check la putain de rime, que du concret, c'est d'art. T'as le seum, ça se redave, débarque. J'suis l'acteur principal, j'prends tout, j'ai la dalle. Une violence verbale, sortie des vœux, 4 vals. Non, sortie des bas-fonds, t'as compris le délire, sale pédale. Viens si on te demande, esprit vandal, se remettre ses cendres. Refaire ta calandre, grosse remise à l'amende. On n'a pas fini les bails, on arrive avec du lourd. Aïe aïe aïe, Souito, shoot TRH. Chez nous, y'a pas de faille. 9-9-9-4, c'est mon emblème. T'es mal hystérique, on s'aime. 9-9-9-4, c'est mon emblème. T'es mal hystérique, on s'aime. Valdef, c'est mon domaine. Vandaliser les instrus, on les scène. Valdef, c'est mon domaine. Vandaliser les instrus, on les voilà scène. Voilà du rap de bonhomme, que les PD s'écartent. Et soit mon flow, je marque mon territoire, me démarque et marque. Ça fume et scène le beat, mais ça se ressent dans nos démarches. J'ai la plume qui me démange et qui me demande du cash. Mélange pas le F, c'est le catch. Mon gars, ton rap est fatch. Comme une paire de Nike Air venue de Thailand, biatch. On vient gorger les porcs, faire du sale même sous ton accord. Ouais, ma gueule, on a le mort. Car c'est souvent à nous qu'on donne d'or. 94, ma fierté fait ma force. Ratata, joue TRH et so sur ce mort. Une bombe amorcée. Car chez nous, c'est corsé. Faire du bif, c'est forcé. Rien que dépenser, ça me donne la nausée. Esprit vandal mal déposé. Gardez-vous, ça va exploser. Pire que Hiroshima. Y'a pas de cocaïne ni d'héro chez moi. Y'a que de la zeb et du shit. Mais vas-y, chute. Va pas le dire au Schmitt, ça schmetta ou j'te bute. Esprit vandal. 9-9-9-4, c'est mon emblème. T'es mal hystérique, on s'aime. 9-9-9-4, c'est mon emblème. T'es mal hystérique, on s'aime. Valdef, c'est mon domaine. Vandaliser les instrus, on les scène. Valdef, c'est mon domaine. Vandaliser les instrus, on les scène. J'suis TRH, so. Village à la ZTP. Ok, quartier rouge. Esprit vandal 2. Ok.